Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Brezonnik avec Henri Le Naou, Kentel, Perran, Dec à Perruguenery, c'est ça? Perran, Dec à Perruguen, 490. On approche des 500. On approche des 500. Et on va commencer par Guerriou Ravué. Alors, un mot, Henri, je ne pensais pas un jour parler de ce mot-là, que tu allais nous parler oui, de ce mot-là. Il faut parler de tous les mots, hein, même ceux qui peuvent paraître un peu lestes, et c'est le mot Bram. Bram, hein, donc, alors Bram, c'est un mot d'origine celtique, c'est un très vieux mot, et on le trouve dans toutes les langues celtiques, hein, en cornique, en gallois, en gaélique d'Irlande et en gaélique d'Écosse, sous des formes assez semblables, finalement, donc, qui remonte à un vieux celtique Bragmen, donc, qui voulait dire une explosion. Alors, il s'agit bien d'une sorte d'explosion, puisque ça correspond au français « pète », le « paix ». Voilà. Ça vaut pas un paix de lapin, on dit. Hein. Alors... Mais phonétiquement, c'est pas mal, je trouve. Hein? C'est assez phonétique. Oui, oui, c'est presque une onomatopée, quoi. Voilà. Et le petit Robert définit ça, le « paix », comme gaz intestinal qui s'échappe de l'anus avec bruit. Comme en termes galants, ces choses-là sont dites, hein. Voilà. Donc, il en est dérivé en français, et surtout en ancien français, beaucoup d'expressions. Par exemple, il y avait un personnage légendaire au XVIe siècle qui s'appelait Péto. Péto, ce qui a donné la pétaudière. La pétaudière, qui est une assemblée tumultueuse, sans discipline, hein, comme par exemple, on voit la Chambre des députés de temps en temps. Qui se transforme en pétaudière, comme ça, où chacun parle sans écouter l'autre. Voilà. Il y a des expressions aussi en français, comme le paix de nonne. Ah, c'est un super gâteau, ça. Ah oui. Et ça fait pas de bruit, par contre. Non, non. Parce qu'il faut pas forcément du bruit pour que ce soit un paix, contrairement à ce que dit le petit Robert. Le paix de nonne, on met la pâte dans de l'huile brûlante, et ça, en fait, ça explose. Voilà, ça gonfle. C'est superbe. Le paix de nonne, oui. Alors, il y avait des vestes courtes autrefois, ça s'est un peu oublié, qu'on appelait, donc par opposition à la redingote, par exemple, on appelait pète en l'air. Voilà, la veste courte, le contraire de la redingote. Voilà. Et il y a l'expression pète sec aussi, hein, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Et puis, donc, en breton, c'est bram. Alors, c'est un mot masculin qui a un pluriel, bramou, hein. Et il y a beaucoup d'expressions avec ça, avec Bram. Par exemple, Bramlouse, Racketrousse. Ah, quelle horreur. Je ne traduirais pas ça. Bramlouse, Racketrousse. Donc, un P sale ne fait pas de bruit. Donc, on verra d'ailleurs qu'il y a deux types, hein, en fait. Bram et Louf. Hein. Alors, trop... On ne va pas faire un Guerriou Ravué sur Louf, quand même. Non, non. Trop des Bram ni rire. Alors, trop haut des brams ni rire, c'est une expression qui veut dire le paix a tourné dans son derrière. Ça veut dire, il est, c'est souvent pour quelqu'un d'assez susceptible, hein, qui se vexe pour, sans raison, en fait. Hein. Trop haut des brams ni rire. Voilà. Ça, c'est très, j'ai très souvent entendu ça. Bon, le squelor bram, hein, lâcher un pet, hein, bon. Bramendioul aussi, une expression pour désigner le tonnerre. Bramendioul. Voilà. Alors, des mots dérivés, bramaden, hein, par exemple, hein, une pétarade. Hein, le verbe, hein, bramant, hein, ou bramal, ici on disait plutôt bramal. Hein, et donc, le participe passé, bramet. Hein. Bon, celui qui pète, hein, le pétou, comme on dit en gallo. Hein, en gallo, on dit ça comme ça. Bramer, hein, voilà. Qui est un mot avec un pluriel, bramérienne, hein, les pétous. Hein. Voilà. Expression aussi, comme en français, hein, ne dalve que d'orbram, orbram, ça ne vaut pas un paix. Hein, en français, on dit un paix de lapin. Hein. Et alors, il y a un autre verbe, un autre mot, hein, qui est louf. Hein, et il y a un proverbe qui dit louf n'est que d'orbram. louver a huiz hag brommer a miz. Donc, qui est un paix discret, mais très nauséabond. Alors, là aussi, il y a un verbe, hein, loufal, qui est vessé en français. V-E-2-S-E-R. Et ce type de paix, en français, ça s'appelle une vesse. V-E-2-S-E. Oui, c'est pas très employé. Hein. Voilà. Alors, des dérivés aussi, hein, bien sûr, le verbe, hein, loufal ou louvant. Alors, c'est un V, mais ici, on prononce F. Hein. On dit loufal. Hein. Voilà. Qui existe dans plusieurs dialectes français. Hein. On dit il a loufé. Hein, ça existe. Et ce serait un mot, d'ailleurs, qui serait venu du français au départ. Voilà. Et loufeur, c'est donc ce qu'on appelle un vesseur en français, quoi. Vesseur, ça, c'est pas très répandu, quoi. Et puis, pour terminer, donc j'ai dit qu'en gallo, on disait un pétou, et le pé, un vent d'abat. Le vent d'en bas, quoi. J'ai trouvé ça pas mal pour terminer. Et quand nous étions à Saint-Jean-du-Doigt, nous avons rencontré un monsieur qui nous a dit qu'il avait appris à son petit-fils, à chaque fois qu'il éternuait, que le petit-fils éternuait ou que le grand-père éternuait, de dire aussi sec, diwal d'apénal. Ce que le petit-fils avait ressorti à la boulangerie devant une dame qui venait d'éternuer. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On en reste là, Henri ? On va en rester là pour aujourd'hui. Allez, on passe à Braison Nactan Matan. Braison Nactan Matan, tout de suite, Henri. On va parler du blé noir. Oui, parce que j'avais envie de reparler de ça, j'en ai déjà parlé, parce que je viens de relire dans un journal que le blé noir n'est pas une céréale. Alors, le blé noir n'est pas une céréale, mais c'est une plante qui appartient à la même famille que la rhubarbe. Alors, ce qui est une phrase complètement absurde, mais... ça s'est glissé dans Internet quelque part, et tout le monde reproduit cette... c'est comme ça, maintenant, les erreurs, une fois qu'elles sont lancées sur Internet, elles se propagent comme un virus, et on ne peut plus rien faire. Il faut être très méfiant par rapport à ce qui s'écrit sur Wikipédia, par exemple. Voilà, c'est une fois que c'est sur Internet, ça circule, c'est repris, parce que on parle souvent de l'indépendance des sources, hein, parce que il faut avoir plusieurs sources différentes pour retrouver une vérité. Mais en fait, souvent, c'est la même source qui se propage comme ça.

Petras au Nevervro, Eri. Ben, calzedra ou Evelgius, Boervé, je dis aux ânes. Pessonné, Evelgius, les herblats, peut dire, on baille, ben, blan, Evé, d'Auville-Rouezac. D'Auville-Rouezac. Mais, c'est, bon, l'RL n'est que ma mesmone, hein, peut dire, d'Asquervi de Judeille et Pemil Seiskan-Rouezac. Hein, zéra 5776, Galak, hein, vie de Judeille. Vie de musulmane de. Et mille pères Hans Seis à Trégon, hein, 1437 Galag, hein, Vitude Brochine et Père Mille Seis Kan à Dozak, 5712. Hag ma vie j'ai bédé à Gand Désirateur républicain, j'ai bédé Babla, Dohan Père à Wernugen, Pélarin Mad. À penser que la rite c'est une comète bénéfine, mot de compte ou un trou quoi, moyen zo de l'art de et au blaël bénéfine. Bon, enfin, vie d'omnime plus dur et de ce qu'on dit que ce riste va comme zet zira d'ouville ruizet. Bon, grand tom m'a besoin d'un tom zel ou un peu de dramen et vel juste au cal ce drogue ou dix autres, hein, mais me sera au tombeau trou ou avec voir et puis sa mot de vos comptes bénéfines. Wardachen la bourdouar, bon goût de rhum bébé val pudre blanc tréminet, vide calz draw, hein, vide mort, vide laise, vide long de kik, hein, hag spiemeuse vos gueulards en trou, vide la bourdouar blanc, hag vide labourerien douar. Wardachen laise, suroir vos digor, der stal sinutra bacares, on tombe dans les eaux mesang. Bon, mais de bon zéroir, vous dit gore, même mestra, ag bon zo calze spi ganze, ou aran que t'aguin vos, un draval, puis un draval, gwelet vos, puis sa mode vos con. Bon, l'art vez, ou ez, am calze lèse, vit bugal et brochina, ag bon, ma treize noir, te lèse deux hommes. War d'achener politiqueres, ben blanc, ne vaut que vota de gebit, mais t'avais fait bête un tôle trafalgar, benneken, mais hendel, ne vaut que vota de gbe de blanc, mais de vel juste politicourien, grog de virvin, grand de vota de xo de zone, un va blau à l'air, vide le lac à de roue et neve, war gador. Bon, plus dur, war gador d'agobert, ma peçoine. Il war roue et provrance, gwe j'ai le gosse. Avec un trou bénéfine, que change calze. A gansé, votre calze, j'ai blé, un gansé, pas de blanc. Bon. War d'acheneur, brésandec, pem patrug un glaceau, ou abévote de lesen texon, ag, zéo a joué zuzoir, pu dur de houls, ou a symbole, ou a bascolage ou breis, a ou abéro de droite, d'or ou neur brésandec zune, bah, lasso, pézec grec, bah, calze blasso, ou as, hein. Ag, zézo fentuzoir, pu dur, pem plawar a triug un oaler, zo bet kinig de lezen gant Paul Molac, n'est-ce que gwal vel zunel, hag benefin e behuit den trao e vel kiz akustum, Jacobin de schatkas de lezen de amzer de zon pel mahat, apotiez Paul Molac, oa dipit, na oa ket metan oan ke me daou de depute et breiz, ba gant me depute, na oa ket me Marc Le Fur a Paul Molac, a setu e behuit den trao. A peso zuezus de tout de reines vote de yenom zo socialiste, de son set, quoi. A gansé, bon, gret vo, pi vo nun, un dud au cambali, vo gret calze promesse, ouas. Ag, retourne de vos trubardes, de vel, quis accustume. Pi von comps on tombe de sé, de ce qu'elle est nature aux embraisons, or gela ou un breton, un zimbane d'un hiver un ispiciel, ag zo calze draubars, ou ar histoire school, Bavro, hag jusma de zo berei calzedraou de vid d'or berze, gant mir di eskol botora. Hag arve bon zo ya zo calzedraou ou ar dachen kele nadur zo brezan, calzedraou zo de ziz ki barz, quoi. Ou ar dachen ur politiker soaz, lance des vraiment rendez-vous ou névé, hein, puis vraiment au triste grande vrou et Provence, Évite Breiz, il veut juste un trauning béchange, c'est un peu dur, chambre à Breiz, mon père département. Ag, vite calz de broyo nevez, vous rêvez carve au nom neve. Das queers, ou Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. À mon classe, au nom, hein, où le grand dut, puis ça rend le fait bien mode. Comme ce tobé des Alcar. Alcar, hein, puis mi ou armi, pétaroise, hein, bon, on droit d'inature, vous, ne soir, puis ça mode. Prestige Vauroise, bon, il change, change tâche, Prestige Vauroise, Cornerbob, Bavreau, à ma 13e Pesclave, Edouard Wagen ou RKB, Sylvain Roux, ne se compte de c'est, ben, là-bas, d'un tu de Sevro, bon, c'est tu vos, vos Cornerbob, là, sur Arvoba, Melcarès, Blanc-Meroise. Pouer, à Wismers. Pouer, à Wismers, y'a. Ah ouais, l'air de bon, il vient de révocat, ce pèlor. Blanc, so, un diablog en Neve Hamzer Castel Neve, un peu dur ou à Bécrog d'Orborzé de Huguen Lasso. Ag vit championnat de son aérien, Zira Trihuguen Lasso, Boué Bécrou, j'onge plus, enfin, plus que j'onge, oui, ouais, Rio, Wang de Hulse, ouais, Gand, ouais, un peu à Georges Cadouda, la Guétienne Rivoilan, pas championnat de son aérien, un Zizou Pelzo Boué. Bon, Trugen Lasso avec Redzi. On déhabla elle, Gouelleret, blanc, me vocal, je déhabla, yo. Vous comptez de ça, de Rouer à Warnugen Visible, vous, Hugen Lasso, hein, Boué Wabit, Gualzarvoud de Tchernobyl, ou Zaya de Greys Nucléel, hein. Mais de bon Hugen Lasso, n'est que Kalsdra, puis dire vraiment, moi, autres de Vro, vite, Kandvedou à Kandvedou. D'un tri vismé, vos diables à elle, ouas, perruguen de l'assaut, wabid, aide, mode, vota dégoût, grand front populaire, dans la garde, tout de, un dude wabeau, un drôle de Léon Blum de Hulsa. Zézopel, hein, pelzo, boué, perruguen de l'assaut, mimusclève, comme de C, Alice Trip et Wanyo, on peut dire, on grande dégla walerzé. Ag, bah, tout me forme, j'ai comme de calze de si. Peut dire, mi-moi calze de forme, y'a ouachon bapar, y'a gazé, ouah, blas, ouagnette, vacances, y'vi d'orvé, j'y'entends. Ag, mi-moi au yender de mom, y'es ouah, Léon Conan, y'ran, y'es ouah, deux en service, deux mille in kermabil, ou pélarin mot. Ag, ouah, labourat, bah, stall, shell, bapar, y'es. Blad, y'a un temps, ou à bé de vacances, ou dix, ou à deux de, quand livré, germaine, hein, ou à deux de vacances, y devrait, y'a un tandem. Ag, verviens, ou à gante, ou à un tandem, quoi. Huguet me d'intéresse, bien. Bon, mais, zémeus biclève d'Alice, Alice, pévigé, femme, il semble, non, pédant gant, il semble, c'te zul, Léon Conan, gontes de zézé. À ces occasions, Gaftin me bive de Front Populaire, à Guéwan que grande de Hulsa. Ma fine misable, pélar in mad, vos redad, qui dans Brésan, hein. Un drôle de nom de Grogo, à bonne maison de l'Ebab localement, dont échuo. Tramenrey de Nons, bah, très malgat. De Zlarion de Taille de Dremalgat, à l'air de dire gris, ne dramna que blanc me bat purut. À mon oreille, ou à l'air de Rostrain, bah, c'est vos moyens de nom de Gavet, bah, très mal, gars, de, vie de rayon de ton courage, d'aim. Bon. Hendel, bah, misvouen, n'a un, vocal, ze, gouel, you, bavro, et vel juste, vel kis accustume. Mamesmo, bah, misest, hein, plus dur, bon, bah, misest, et vel juste, vos, gouel, un dan, ou d'un, vie de, dan, spleen, gouel, ficelle. Vide, bah, Rostren. Bah, misest, vous vivez, who are you, olympique, c'est n'est que Bavro, hein. Bah, Rio. Et alors, a dit ce panthère, une autre clé, membre de ce monde. Mais comme ce de c'est, quoi. bah, ce n'est l'art de Skinwell, hein, bah, panthère, une, hein. Bon. À Blanc-Meroise, zo, un trop braise de Skimper, beta Castlepole. Un bon noir, zézo bandé, ou tient en, misest, hein. Dans une soin de vol et wardrobe, hein. Halomon, hein. Ag, bah, mis, gwen, golo, vos, dévez, glade, et vel, kista, custume, hein. Bavro hag pardon d'avoir vu l'adin. Hag evelchus ba mis heire vo voir diarien evelkis akusnim. Ne vo koroaz la, voir la rion goz, hein, pudur vek e gretin, met o vechpenek ma trezen vo gret. Blanc me vaut hop de Warnugen ba Marrakech, hein. Blanc me zobé ba Paris, blanc vaut ba Marrakech, je vois vos combes ne peut tordre ce pis non drame no ba Marrakech, je vis de wabé, combes de ce pis wabé ba Paris. Ba mis du, vois vos changes de président de stade ou une onde, hein. A je vois vos clés, vos combes scales de si. A de ben Warnugen, vis tierzu, vos adar et Gwelnedelek. Ah bah. Échué, Ganeri. Kenavo, Kendigwele. C'est Norvégien, il y a.